fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Cookie Dingler sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 10 octobre 1941, naissance de Peter Coyote, acteur américain, vu dans E.T. l'extraterrestre, Erin Brockovich seule contre tous, ou encore à la télé dans Les 4400 dans le rôle de Dennis Ryland. 1946, naissance de Charles Dance, acteur britannique, vu dans Good Morning Babylon, Alien 3 dans le rôle de Jonathan Clements, Underworld Nouvelle Ère et Underworld Blood Wars dans le rôle de Thomas. Et à la télé dans la série Game of Thrones de la saison 1 à la saison 4 dans le rôle de Tywin Lannister. 1947, naissance de Francis Perrin, acteur français vu dans La Gifle, Le Roi des Cons dans le rôle de Georges Leroy, La Chance de ma vie, Les Francis, Les Vacances du Petit Nicolas, à la télé dans SœurTheresse.com, Alice Nevers, Le Juge est une femme, Weekend chez les Toqués, Scène de ménage ou encore Mongeville dans le rôle dans Antoine Mongeville. C'est également l'année de naissance de Cookie Dingler, chanteur et compositeur français. 1954, naissance d'Ariane Ascaride, actrice française vue dans Dernier été. Marius et Jeannette, qui lui a valu le César de la meilleure actrice. Imposture, Marius et Fanny de Daniel Auteuil pardon, dans le rôle de Claudine. C'est également l'année de naissance de David Lee Roth, chanteur américain, leader du groupe Van Halen. Également la naissance de Fernando Santos, qui fut footballeur, entraîneur portugais, actuellement sélectionneur de l'équipe du Portugal. 1955, naissance d'Hippolyte Girardot, acteur français vu dans Inspecteur La Bavure, Manon des Sources, Vous n'avez encore rien vu, à la télé dans Mafiosa le Clan, Marseille ou encore Capitaine Marlowe. C'est également l'année de naissance de Philippe Lioret, réalisateur français à qui l'on doit Mademoiselle, L'Équipier, Je vais bien, ne t'en fais pas ou encore Toutes nos envies. 1971, naissance de Reynald Pedros, footballeur, ancien footballeur français, qui depuis le 20 mai 2017 est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. 1973, naissance de Joël Chenal, ancien skieur alpin français médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2006. Également l'année de naissance de Vikash Dorasso, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1993 à 2007 en jouant à Le Havre, Lyon, Bordeaux, au Milan AC, au PSG et enfin en terminant sa carrière à Livourne Calcio. Et 1973, c'est aussi l'année de naissance de Mario Lopez, acteur américain, connu pour son rôle de AC Slater dans la série Sauvé par le Gong, celui de Bobby Cruz dans Pacific Blue, et vu également dans plusieurs épisodes de Nip Tuck. 1978, naissance de Jodie Lynn O'Keefe, actrice américaine, vue dans Halloween 20 ans après, dans le rôle de Sarah Wentrop, à la télé dans Nash Bridges, dans le rôle de Cassidy Bridges, dans Charmed, Mon oncle Charlie, Esprit criminel, Prison Break dans le rôle de Gretchen Morgan, Castle ou encore Vampire Diaries dans le rôle de Joe Parker et plus récemment dans la série Lucifer. 1984, naissance de Jean-Baptiste Grange, skieur alpin français, vainqueur de la Coupe du Monde de Slalom en 2009, double champion du monde de slalom en 2011 et 2015, également médaillé de bronze en slalom aux Mondiaux 2007. 1985, naissance d'Alex Meraz, acteur américain, connu pour son rôle de Paul Laotte dans Twilight 2, 3, 4 et 5, vu également dans Suicide Squad. 1986, naissance de Pierre Roland, cycliste sur route français, qui a terminé meilleur jeune du Tour de France 2011 et qui a remporté 3 étapes sur les grands tours, 2 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Italie. En 1963, décédée Edith Piaf, chanteuse française. En 1966, décédée Charlotte Cooper, qui fut joueuse de tennis britannique, ayant remporté 5 fois le tournoi de Wimbledon. Et à noter que le 11 juillet 1900, elle a remporté le simple dames des Jeux Olympiques de Paris et est devenue ainsi historiquement la première femme à s'adjuger une médaille d'or olympique dans une épreuve individuelle. 1985, décédé Orson Welles, cinéaste américain qui l'on doit entre autres Citizen Kane, Macbeth, Othello ou encore Vérité et Mensonge. En 2004, on apprenait le décès de Christopher Reeve, acteur américain connu pour son rôle de Superman Clark Kent dans les films Superman 1, 2, 3 et 4, vu également dans Le Village des damnés et plusieurs épisodes de la série Smallville dans le rôle du docteur Virgil Swann. En 2009, décédait Stephen Gately, chanteur irlandais qui fut membre du groupe Boyzone. Et on va d'ailleurs écouter un extrait de leur titre intitulé Words. everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even need a single word I say. Take your heart away. Voilà pour l'extrait du titre Words des Boyzone en 2010. Décédé Solomon Burke, chanteur américain connu pour son rôle, son titre, pardon, Everybody Needs Somebody to Love, reprise par les Rolling Stones ou encore les Blues Brothers. On écoute justement un extrait de ce titre. Tonight, so glad to be in your wonderful city, and I have a little message for you, and I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time, someone that's with them when they're up, somebody that's with them when they're down. Somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. And there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me. Voilà pour l'extrait du titre interprété par Solomon Burke. Comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma. Et on commence avec un film d'animation, Dilili à Paris. Autre film, Venom, un science-fiction de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams ou encore Riz Ahmed. Autre film, L'amour flou, comédie de Roman Boringer et Philippe Rebaud. Tous deux jouent également dans ce film aux côtés de Rose Rebaud Bourringer. Autre film, Galveston, un film policier de Mélanie Laurent avec Ben Foster, Elle Fanning ou encore Lily Reinhart. Autre film, Johnny English contre-attaque, comédie espionnage de David Kerr avec Rowan Atkinson, Emma Thompson ou encore Olga Kurylenko. Autre film, Girl, un drame de Luca Dont avec Victor Polster, Arié Worthwater et Olivier Bodard. Et enfin, dernier film, La particule humaine, un film de science-fiction de Semi Kaplanoglou avec Jean Marbard, Hermine Bravo et Grigory Dobrigin. Voilà pour les sorties ciné. On fait un point musique maintenant avec le groupe Van Halen et leur titre Jump. Get up! Van Halen sur le 107 FM. Un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin encore, il y a du brouillard, même si à cette heure-ci, par exemple, si je regarde par la fenêtre, il s'est un petit peu dissipé, mais on voit qu'il est encore un petit peu présent. Et il peut être épais par endroits, hein, donc soyez tout de même très vigilants. Et sinon, on passera la journée sous le soleil. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi matin, quelques gouttes de pluie sont à prévoir, avant des éclaircies pour le reste de la journée. Des températures comprise entre 10 et 11 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés l'après-midi. Et pour vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévues pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de football féminin avec la préparation pour le mondial hier. La France s'est imposée 6 buts à 0 face au Cameroun. Un mot de tennis avec le tournoi de Shanghai. La qualification hier de Richard Gasquet en 3-7 face à Meyer, 1-6-6-2-6-1. Djokovic s'est imposé en 2-7 face à Jérémy Chardy, 6-3-7-5. Benoît Paire s'est imposé en 2-7 face à Karen Busta, 6-3-6-4. À noter les éliminations de Dominic Thiem et de Marin Cilic. Aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Demi-Nord et Richard Gasquet sera opposé à Del Potro. À Tianjin hier, Caroline Garcia s'est qualifiée en 2-7 face à Xun, 6-4-6-1. À Linz hier, à noter les éliminations de Pauline Parmentier en 2-7 face à Giorgi, 6-3-7-6. L'élimination donc de Ferro face à Jmiedlova en 2-7 6-2, 6-3. Mladenovic, elle s'est qualifiée en 2-7 face à Dart, 6-3-6-4. Et aujourd'hui à Hong Kong, Alizé Cornet affrontera Koum Koum. Voilà pour la petite actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Edith Piaf et le titre La vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. La vie en rose d'Edith Piaf sur RGM, un peu plus de 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, il y aura une première partie de Regard d'ailleurs. À 10h, la seconde partie. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. À 16h, vous retrouverez toute l'équipe de 90 minutes pour Boomerang. 18h, l'heure des loups avec Lou, émission consacrée à la Fédération des sociétés savantes des Vosges. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, et excellente journée à tous.